Bonjour les amis. Vous aimez bien regarder les aventures de Dragon Ball Z à la télévision. Alors, je suis sûr que vous prendrez beaucoup de plaisir à les écouter. L'histoire que vous allez entendre maintenant s'intitule « L'offensive des cyborgs ». Bon, vous êtes bien installés ? Accrochez-vous, nous allons décoller. Le docteur Gero a perdu la vie après avoir été agressé par l'androïde numéro 17 qu'il avait créé de toutes pièces. Cependant, son ordinateur avait continué à fonctionner pour fabriquer de lui-même le plus puissant de tous les androïdes. Tortue Géniale, Oolong, Krillin et Trunks devant l'entrée d'un grand édifice de la ville. Il semble attendre quelque chose. Justement, j'ai fatigué d'attendre. Vous n'allez pas vous plaindre. C'est vous qui avez tenu à ce qu'on arrive en avance pour faire la queue. Vous saviez que les portes ouvraient à 19h, mais vous vouliez qu'on soit ici les premiers. C'est pas la peine, on va avoir les meilleures places pour tout gagner. C'est beau, c'est... Nous avons gardé tous les plus habitués qui soient pour l'élection annuelle de Miss Monde. Imagine les superbes créatures qu'on va voir. Oh, on est toujours les fruits du monde. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous devriez avoir honte de votre conduite. Je vous signale que Trunk vous regarde. C'est pas grave. Il s'amuse, si vous en avez envie. Vous donnez le mauvais exemple à un jeune homme au cœur pur. Non, ça va bien dire ça. C'est vrai, ça. Je viens de ce que tu disais. Hein? Écoutez-moi, les amis. Au lieu de rester planté ici, attendre bêtement, pourquoi on n'irait pas faire un tour dans les coulisses pour voir les candidates? On pourrait les admirer d'encore plus près. Et puis peut-être que je rencontrerai une qui me plaira et à qui je plairai et qui voudra bien devenir ma femme. Ah, je dis ça, moi. Oh, non, je plaisante, c'est voyant. Je dis ça pour m'amuser. Vous n'allez pas me dire que vous avez pris ça au sérieux? Un grand champion d'arts martiaux comme moi ne s'intéresse qu'au sport. Vraiment? Eh ben, ça fait pas quoi, viens, Oolong, on va aller dans les coulisses. Où ça? Vous gardez votre place, là. Attendez! Revenez tout de suite ici ou j'appelle la police! Oh! Ben, excuse-moi, j'y vais, hein. Garde-nous une bonne place, tu veux bien? Oh, Krilla! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Et Sangoku qui n'est pas là, il paraît qu'il fait des courses avec sa famille aujourd'hui. Justement, voici Son Goku, Son Gohan et Chichi dans un grand magasin. Son Goku a les bras chargés de paquets. Dis-moi, Son Gohan, peux-tu m'expliquer pourquoi les femmes aiment tant faire les magasins? Pour les autres, je sais pas, mais maman dit que ça lui permet de se défouler un peu. Se défouler dans une foule pareille? Est-ce que ce sera tout après ça? Non, maintenant il faut qu'on aille acheter des vêtements pour toi. Tu portes tout le temps la même tenue et depuis des années. Il va falloir changer un peu. Pendant ce temps, dans la rue, un spectacle terrifiant se déroule. Deux personnages sèment la panique, détruisant tout ce qui se trouve sur leur passage. Le premier ressemble à un enfant, avec un large chapeau vert et des lunettes de soleil. Le second est immense et incroyablement musclé. Sa peau est bleutée et son regard est impitoyable. Je te rappelle demain matin et... sont à la recherche de quelqu'un. Leurs yeux, apparemment électroniques, viennent de se fixer sur le bâtiment qui abrite le grand magasin. Au sommet de cette tour, Sangoku, Sangohan, Chichi, Tortue Géniale, Trunks, Krilin et Oolong déjeunent dans le restaurant. Faites attention de ne pas vous tromper de date. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'était pas normal qu'il y ait personne d'autre que nous dans la file d'attente. Il faudra essayer de ne pas manquer le prochain concours. Puis-je vous aider, monsieur? Oh, qu'est-ce que c'est bon! Les deux êtres sont maintenant dans le magasin et montent vers le restaurant. Ils ne s'embarrassent pas de petits obstacles. Mademoiselle, s'il vous plaît! Remettez-moi la même chose, j'ai un petit creux. Les deux personnages sont arrivés à l'étage juste en dessous du restaurant. Ils ont repéré où était assis Sangoku. Je suis là, Sangoku. Ils libèrent chacun de leurs mains une boule couleur argent. Elles se rejoignent et fusionnent, entraînant une formidable explosion. Le sommet de la tour vole en éclats. Heureusement, Sangoku et ses amis sont là pour éviter que les clients du restaurant ne s'écrasent au sol. Sangohan, ne lâche pas les sacs! Puisque tout le monde est sauf, Sangoku remonte voir qui est à l'origine de cet attentat. Quel désastre! Qui a pu faire une chose pareille? Depuis les décombres du restaurant, les deux êtres ont repéré Sangoku. Ils lâchent à nouveau les boules couleur d'argent. Cette fois, Sangoku les a repérés. Sangohan, pars avec ta mère! Krilin, écarte-toi! Toi aussi, Trunk! Éloignez-vous tous d'ici! Ah, mes chaussures neuves! Viens, maman! Les deux personnages ont tiré leurs projectiles et se ruent vers Sangoku. Chez ces deux créatures, ce ne sont pas des êtres humains. Je sais, ce sont certainement les nouveaux androïdes créés récemment par le docteur Garo. Vous n'abandonnerez donc jamais le combat ? Mmh. Numéro 14, le plus grand des deux cyborgs, passe à l'attaque. Occupé par ce dernier, Son Goku ne peut éviter le coup de poing terrible que lui assène le petit droïde numéro 15. Le combat se déroule maintenant au beau milieu des gratte-ciels. Goku est en fâcheuse posture. Heureusement, Trunks vient à la rescousse. Prends garde à toi! Le petit droïde est capable d'envoyer en rafale des boules d'énergie meurtrières. Son Goku! Écoute-moi, en continuant à nous battre ici, nous mettons en danger la population! Allons poursuivre le combat dans les zones désertes du pôle Nord! Tu as raison! Suivez-nous, misérable! La ville se remet avec stupeur de ce violent combat. Qu'est-ce qu'on attend? Écoute, Son Gohan, je suis désolé, mais nous ne pouvons pas nous battre contre eux. Nous ne sommes pas de taille, tu vois. Mais on pourrait peut-être aider mon papa et Trunk à les combattre. Reste ici si tu veux, moi j'y vais. Son Gohan! Reviens ici! Est-ce que tu aurais oublié que tes cours de soutien commencent demain matin? Tu restes ici pour étudier, j'ai déjà payé l'école. Mais maman, il n'y a pas de mais. Tu m'avais promis que tu étudierais sérieusement, souviens-toi. Oui, c'est vrai, je t'avais promis de bien travailler, mais qu'est-ce qui est le plus important, l'école ou la vie de mon père? Son Gohan! Reviens immédiatement, tu entends? Son Gohan! Laisse-le partir. Cet enfant a raison, tu sais, je comprends parfaitement sa réaction. Dis donc, de quoi tu te mêles? Et maintenant, debout, dépêche-toi de rattraper mon fils et de le ramener, t'entends? Allez, dépêche-toi! Au revoir, Krilin! Surtout, prends bien soin de toi! Oh là là, tout compte fait, je me demande si je veux pas rester célibataire. Dans la base du Dr Gero, l'ordinateur central vient de terminer son dernier cyborg, numéro 13. Au milieu des glaces éternelles du pôle Nord, nous retrouvons Son Goku et Trunks face aux cyborgs numéro 14 et 15. Nous allons pouvoir continuer le combat! Vous êtes prêts? Méfiez-vous, vous ne toucherez pas un seul cheveu de Son Goku. C'est ce qu'on va voir. Le petit droïde repousse violemment Trunks contre la paroi rocheuse. Trunks, ça va! Puis, les deux robots prennent en tenaille Son Goku et lui assènent de terribles coups. Se relève péniblement. Il est épuisé. Vous n'en finirez jamais à ce train-là. Laissez-moi régler ça comme il se doit. Intrigué par cette voix venue de nulle part, Son Goku et Trunks s'élèvent dans les airs afin de comprendre. Devant eux se tient un guerrier impressionnant. Ses longs cheveux blancs volent dans le vent glacé. Ce satané Docteur Garo, ma parole, combien d'androïdes a-t-il bien pu créer au total dans sa vie? Nous avons tous été créés uniquement dans le but de t'éliminer. L'ordinateur que le Docteur Garo avait utilisé pour créer les androïdes précédents nous a donné la vie dans ce but. Cet ordinateur en voudrait à ma vie. Les pensées de vengeance qui animaient le Docteur Garo de son vivant ont été transmises à son ordinateur. Après sa disparition, ses pensées se sont mises à croître dans la mémoire vive de celui-ci jusqu'à ce qu'il finisse par nous créer. Écoute-moi bien. Sache que toutes les données qui te concernent sont stockées dans l'ordinateur et que chacun de tes gestes peut être calculé. C'est pourquoi tous tes mouvements étaient anticipés par l'androïde numéro 15. Un ordinateur auquel on peut transmettre sa haine? Une telle chose peut-elle être possible? Écoute-moi, petit. Nous ne te voulons pas de mal. Nous ne sommes pas programmés pour ça. Mais prends garde à toi et ne te mets pas en travers de notre chemin. N'essaie pas de nous empêcher d'éliminer Son Goku, sinon nous serions obligés de t'éliminer toi aussi. Ça ne sera pas aussi facile que ça, croyez-moi. Je me demande si tu tiendrais ne serait-ce qu'une minute contre numéro 14 et numéro 15. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Les deux cyborgs se précipitent sur Trunks. Son Gohan et Krillin, cachés derrière un rocher, n'ont rien perdu de la scène. Alors, est-ce qu'on y va? Oh non. Je crois qu'il va falloir attendre un peu avant de passer à l'action. Son Goku, viens te mesurer à moi maintenant. Mais n'oublie pas que comme tous les autres androïdes, je suis programmé pour t'éliminer. Par conséquent, n'espère pas que tu pourras sortir vivant de ce combat. Vous avez supprimé des innocents en essayant de vous en prendre à moi. Et ça, je ne vous le pardonnerai jamais. Numéro 13 lance vers Son Goku une gigantesque boule de feu que ce dernier ne peut ni éviter, ni arrêter. De son côté, ne peut rien faire contre les frappes redoublées des deux autres droïdes. Plaqué au sol, il est assailli par une pluie de projectiles venant des numéros 14 et 15. Oh non, regarde! Il est finalement enseveli sous des tonnes de glace et de rochers. Malgré les coups portés, Son Goku parvient à refaire surface. Il porte à bout de bras un gigantesque rocher. Ça alors, je n'en reviens pas. Je n'aurais jamais pensé que tous les deux on se reverrait après le dernier coup que je t'ai porté. Les deux combattants sont maintenant au corps à corps sous la banquise. Plus loin, les deux droïdes contemplent les monceaux de glace qui ont enseveli Trunks. C'est alors que les blocs se mettent à bouger, puis à s'élever. Trunks émerge des profondeurs. Enragé comme jamais, Trunks se précipite avec son sabre vers le plus grand des droïdes. Mais en une fraction de seconde, le cyborg bloque la lame entre ses deux doigts. Thank you. Trunks est catapulté vers le sol. Le Cyborg 13 lance cette fois vers Sangoku une boule de feu encore plus puissante que les précédentes. Sangoku fait son possible pour esquiver. Mais il est maintenant acculé contre une paroi rocheuse et la boule se rapproche lentement de lui. J'espère attraper à main nue une bombe aussi puissante que celle-ci. La bombe spéciale WS peut détruire la moitié de cette planète. À l'instant où la bombe va exploser sur Sangoku, surgit des profondeurs un projectile au reflet argenté qui la dévie vers la haute atmosphère. C'est l'explosion. Une lumière aveuglante remplit le ciel. Moment, la banquise s'ouvre en son milieu. Vegeta. Père, c'est vous. Surtout, ne te méprends pas, que ce soit bien clair. Ne crois pas que je sois venu pour te porter secours. Si je suis là, c'est parce que c'est moi qui dois t'éliminer. Je ne laisserai ce privilège à personne, tu entends? Je ne laisserai pas à de vulgaires robots une tâche qui incombe au prince des guerriers. Encore un de ces stupides êtres humains qui vient se jeter dans la gueule du loup. Numéro 15, occupe-toi de cet insolent. Numéro 15 vient d'analyser la structure de Vegeta et passe à l'attaque. Approche, Son Goku. Le combat a repris entre Sangoku et numéro 13. Sors de là. Tout cela n'était qu'un petit échauffement. Aurais-tu peur de venir m'affronter sérieusement par hasard? N'abuse pas de ma patience. Et ne sous-estime pas ma force ou tu le regretteras. Trunks, lui, est aux prises avec le grand droïde numéro 14. Contre Vegeta, le plus petit des cyborgs démontre une force incroyable. Mais Vegeta se ressaisit. La plaisanterie a assez duré, maintenant nous allons en finir! Ses cheveux ont jauni, il vient de se transformer en super guerrier. C'en est assez aussi pour Trunks. Il se transforme lui aussi en super guerrier. Sangoku n'y tient plus. Sa colère est trop grande. Il pousse son cri de guerre qui va faire de lui un super guerrier. Ce n'est pas fini! Regarde, Krillin! Magnifique! Ils se sont transformés tous les trois en super guerriers! Ce sont maintenant nos trois héros qui passent à l'offensive. Trunks. Vegeta. Sangoku. Vas-y, papa. Allez, bat le Sangoku. Gohan, croyant aider son père, lance vers le cyborg numéro 13 plusieurs boules de feu. Elles n'ont comme conséquence que d'énerver un peu plus le cyborg, qui se met à viser Son Gohan. Voilà Satan Petit Cœur. Satan Petit Cœur. Eh oui, surgissant de la glace, Petit Cœur vient au secours de ses amis. Il saisit les jambes du droïde numéro 13 et le projette au sol comme un vulgaire pantin. Me voilà, mes amis. Tu ne pouvais pas mieux tomber, Petit Cœur. Vas-y, Petit Cœur. Merci, je t'en voudrais ça. Attends, ce n'est pas fini. Exact. Alors c'est donc toi, Petit Cœur. Eh bien, un conseil, reste en dehors de ce combat, tu veux? Ne t'interpose pas entre nous, sinon il t'en coûtera. Je n'aime pas recevoir des ordres d'un inconnu, surtout quand il s'agit d'un misérable androïde. Sur les hauteurs, Vegeta prépare l'assaut final contre le petit cyborg. Trunks a, de son côté, libéré son énergie maximum. Dans un dernier effort, le cyborg bleu numéro 14 vient se pulvériser sur la lame de son sabre. Les quatre super guerriers font maintenant face au dernier cyborg numéro 13. Finalement, vous n'êtes que de petits robots de pacotille. Ainsi, tu as battu numéro 14 et numéro 15. L'incroyable se produit. Les deux puces électroniques qui contrôlaient l'intelligence des deux cyborgs détruits rejoignent comme par magie le droïde numéro 13. Elles se greffent à son cerveau. Grâce à cela, le dernier cyborg se transforme également en super guerrier. Ses muscles grossissent, sa peau bleuit, sa taille et sa force sont décuplées. Sans plus rien des coups de Vegeta. Au contraire, il le saisit comme une poupée et le précipite au sol. Père, attention! En voulant aider son père, Trunks se fait violemment repousser sur les rochers. Vegeta! Pourquoi ça tombe toujours sur moi? C'est maintenant Petit Cœur qui enchaîne les frappes sur le géant invulnérable. Le Namek est mis hors d'état. le super guerrier Sangoku n'a pas plus de succès contre le cyborg. Impitoyable, numéro 13 s'acharne sur le pauvre Sangoku. Papa ! Sans vie, Sangoku s'enfonce dans l'océan glacé. Malgré son courage, est lui aussi battu par numéro 13. Il ne doit sa survie qu'à l'intervention de Sangohan. Du fond de l'eau, Sangoku fait appel à l'énergie suprême. Donnez-moi votre énergie. Donnez-moi votre énergie. Voilà que Sangoku émerge de l'océan. Il revit. Numéro 13 n'en revient pas. Donnez-moi l'énergie. L'énergie qui se trouve en vous. Océan, montagne. Non, il est à moi. C'est moi qui dois le battre. Laisse-le-moi, tu as compris, laisse-le. Une fois encore, Vegeta est mis brutalement hors de combat par le cyborg. J'invoque tous les éléments de la nature. Donnez-moi l'énergie. Lentement, une étoile se forme au-dessus de Sangoku. Donnez à Sangoku la force suprême. Tu ne peux rien contre moi. Je viens du monde futur, un monde qui n'existera que dans 20 ans. Et toi, tu n'existes pas dans ce monde futur, parce qu'aujourd'hui, Sangoku va te battre. Le destin en a décidé ainsi et nul ne peut changer le destin. Trunks a repris ses esprits, mais il ne peut rien contre numéro 13. Cette étoile est devenue une immense boule d'énergie au-dessus de Sangoku. Même Petit Cœur est impuissant face au cyborg. Sangoku, montre à ce misérable ce que représente la vraie force d'un super guerrier. Sangoku, c'est inutile. Tu ne peux pas produire la force suprême quand tu es un super guerrier. Un cœur habité par les forces du mal ne peut produire la force suprême. Exceptionnel se produit devant les héros. Sangoku se met à absorber toute l'énergie contenue dans la sphère. Un immense soleil embrase l'horizon. Sangoku se tient en son centre. Il est devenu invincible. Il se rapproche maintenant du cyborg. Les coups de numéro 13 n'ont plus d'effet. Sangoku, d'un seul coup de poing, pulvérise le droïde géant. Sangoku! L'ordinateur central du Dr. Gero a définitivement échoué. Papa! Papa! Sangoku! Nous retrouvons tous nos amis rassemblés dans une chambre d'hôpital au chevet de Krillin et Sangohan. Vous avez été sensationnels tous les trois. J'aurais jamais pensé que Sangoku arriverait à obtenir et à utiliser la force suprême alors qu'il s'était transformé en super guerrier. Comment tu as fait? Ça, je n'en ai vraiment aucune idée. Tu sais, Krillin, toi aussi, tu t'es très bien battu. Ah, je peux te renvoyer le compliment. En tout cas, on peut dire que tu t'es mis dans le beau drap. Tu vas t'ôter. Encore la jambe. Sangohan, Oui. Aussitôt que tu seras guéri, tu pourras retourner à l'école. Oh non. Oh. Oh.